Section 13 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 3. Deuxième partie. L'Italie et Frédéric Barberousse, suite, par Charles Baillet. Frédéric Barberousse en Italie. C'est avec cette Italie du XIIe siècle, si variée dans ses aspects, si débordante d'activité et de vie, que Frédéric Barberousse va engager une lutte de 22 ans, pleine de sombres et dramatiques épisodes. À la fin de 1154, déjà, novembre, décembre, il est dans la plaine de Ronsalia, sur le Pô, près de Plaisance. Il y tient diète, selon l'usage des rois allemands, lorsqu'ils descendent en Italie. Là, les vassaux de l'Empire, laïcs ou clercs, les consuls des villes viennent lui faire hommage, lui soumettre leurs débats, solliciter la confirmation de leurs fiefs et de leurs privilèges. À son attitude, les villes lombardes s'aperçoivent promptement que la guerre est proche et qu'elle sera terrible. Dans une rapide chevauchée, ils sèment ça et là les ruines, détruit Tortone, la ville de Milan. Puis il prend le chemin de Rome. Il y arrive en juin. Eugène III est mort en juillet 1153. Un Anglais est devenu pape sous le nom d'Adrien IV, retranché dans la cité léonine. Il a jeté l'interdit sur Rome. Il ne le lève en mars 1155 qu'après avoir imposé aux Romains l'exil d'Arnaud de Brescia. La fortune de la commune chancelle. Elle a perdu celui qui en était l'âme. Frédéric, elle le sait, lui est hostile. Un de ses chefs, Wetzel, dans une lettre au jeune roi, lui reproche de suivre les conseils des prêtres et des moines, au lieu de considérer la dignité impériale comme une émanation de la majesté du peuple romain. Déjà, au printemps de 1153, un traité avait été conclu à Constance entre Eugène III et Frédéric, contre elle et contre Roger de Sicile. Les Romains tentèrent cependant un dernier effort pour gagner le roi à leur cause. Entre Sutri et Rome, leurs ambassadeurs vinrent le trouver. Dans une harangue, toute pleine de souvenirs classiques, ils firent parler Rome elle-même, rappelant son ancienne splendeur, demandant à l'empereur de travailler à la restaurer. Fier, même dans ce moment critique, ils réclamaient non point une grâce, mais la reconnaissance de leurs droits. Ils osaient déclarer au roi qu'ils tenaient de Rome son pouvoir. S'il faut en croire Otto de Freisingen, qui rapporte les discours échangés dans cette entrevue, Frédéric, avec une ironie altière, opposa à la gloire passée de Rome sa faiblesse présente. La souveraineté était passée aux Francs, qui ne la devaient qu'à eux-mêmes. J'en suis le légitime possesseur. Que quelqu'un, s'il le peut, arrache la massue de la main d'Hercule. Le 18 juin 1155, Frédéric Barberousse était couronné empereur à Saint-Pierre par le pape. Mais les Romains se réunissaient au Capitole, se jetaient sur la cité léonine et engageaient avec les Allemands un combat qui se prolongea jusqu'à la nuit. Chassé par les chaleurs de l'été, Frédéric dut reprendre le chemin du nord sans avoir occupé Rome. Arnaud de Brescia avait été arrêté en Toscane. Il fut pendu, son corps brûlé, ses cendres jetées au Tibre. « De peur, dit Otto de Freisingen, qu'elles ne fussent vénérées par une plèbe insensée. » Quant à la commune romaine, elle subsiste, mais réduit ses prétentions. Peu de temps après, un accord dont les termes ne sont pas connus, fut conclue entre elle et Adrien IV. Conflit avec Adrien IV. Le principal résultat de cette expédition fut de remettre en présence les deux grandes puissances rivales, la papauté et l'Empire, représentées par deux hommes énergiques, également convaincus de leurs droits. Déjà, lors de leur première entrevue, Frédéric n'avait pas voulu tenir, selon l'usage, le cheval du pape par la bride, et Adrien IV, froissé, n'avait pas voulu donner au roi le baiser de paix. Il avait fallu tout un jour de négociations pour les décider l'un et l'autre à céder. Entre le pape et l'empereur, l'accord n'est possible que s'ils sont tous deux distraits par d'autres préoccupations, ou que si l'un d'eux est trop faible pour ne point s'incliner devant l'autre. Donc des trêves précaires, mais point de paix durable. L'empereur s'appuie sur l'ancien droit impérial. Il prétend en tirer sa légitimité et sa force. Le pape se déclare investi du pouvoir de créer l'empereur. L'un et l'autre se considèrent comme d'institutions divines. Il n'y a point de place dans la société pour deux puissances qui se croient absolues. Chaque fois que l'une d'elles rencontre l'autre, elle se sent atteinte dans son ambition. Lors de la querelle des investitures, le pape a défendu l'Église contre les envahissements du pouvoir civil. Cette fois, il défendra son pouvoir temporel. L'État de Saint-Pierre s'opposera à la domination de l'empereur sur l'Italie. Rome même est l'objet d'un conflit. Saint-Pierre y est seul maître, dit le pape. Si je n'y commande, répond Frédéric, je ne suis empereur que de nom. L'un rappelle que la papauté a transféré la dignité impériale aux Francs et aux Germains. L'autre, que l'Empire a donné au pape le patrimoine de Saint-Pierre. À la diète de Besançon, en octobre 1157, le cardinal Roland Bandinelli présente à Frédéric une lettre d'Adrien IV, où on lit « Souviens-toi comment l'Église romaine t'a fait arriver au sommet de la grandeur en t'accordant la dignité impériale. Nous ne nous repentons pas d'avoir ainsi accompli tous tes désirs. Nous nous réjouirions, plutôt, si tu avais reçu de notre main des bienfaits, bénéficia, encore plus précieux. Et comme les princes allemands s'indignent du mot « beneficium », qui dans la langue du temps voulait dire « fief » et semblait faire de l'empereur le vassal du pape, « De qui donc ?» s'écrie le cardinal. « L'empereur tient-il son pouvoir, si ce n'est du pape ?» Le comte Otto de Wittelsbach veut le tuer. Frédéric l'arrête, mais ordonne aux envoyés de Rome de partir dès le lendemain. « Si nous n'étions pas dans l'église, leur dit-il, vous éprouveriez combien sont lourds les glaives allemands. » Et dans une lettre à tous ses sujets, il déclare ne tenir son pouvoir que de Dieu seul, par l'élection des princes. En présence de l'attitude des évêques allemands, qui refusaient de désapprouver l'empereur, Adrien IV écrivit à Frédéric qu'on l'avait mal compris, que le mot de « beneficium » signifiait dans sa lettre « bienfait » et non « fief ». Toutefois, la lutte était ouverte. La guerre contre Milan. En juin 1158, Frédéric franchit de nouveau les Alpes. C'est aux Milanais qu'il en veut. Leur arrogance, écrit-il lui-même, a depuis longtemps dressé la tête contre l'Empire romain et cherche à présent à bouleverser toute l'Italie. Aussi voulons-nous tourner contre eux toutes les forces de cet empire. Dès le siècle précédent, on avait vu les villes lombardes former entre elles des ligues partielles pour la défense de leurs intérêts ou de leur indépendance. En 1093, par exemple, Milan, Crémone, Lodi, Plaisance s'étaient alliés pour 20 ans contre l'empereur. En 1158, deux grandes ligues rivales étaient en présence. D'un côté Milan, que suivaient Brescia, Plaisance, Parme, Modène. De l'autre, Pavie avec Crémone, Lodi, Côme. Par haine de Milan, qui prétendait à l'hégémonie de la Lombardie, la seconde ligue excitait l'empereur, faisait appel à lui. Une première fois assiégé, en juillet 1158, Milan résiste énergiquement, puis les habitants traitent. Ils jurent fidélité, livrent des otages, s'engagent à ce qu'à l'avenir les consuls élus par le peuple soient soumis à la confirmation de l'empereur. Au mois de novembre, Frédéric tient diète à Roncalia, décidé à briser par de vigoureuses mesures l'esprit d'indépendance et de révolte des villes italiennes, à remettre en pleine lumière, selon ses expressions, les lois de l'Empire tombées en désuétude et obscurcies. L'archevêque de Milan lui déclare « Sache que tout le pouvoir législatif du peuple t'appartient. Ta volonté est le droit, car il est dit « ce qui plaît au prince à force de loi ». 4 docteurs de Bologne, disciples d'Irnerius, Bulgarus, Martin Gosia, Jacob, Hugo de Porta Ravennate, assistent le roi, qui en retour prend sous sa protection spéciale les écoliers de Bologne et les professeurs de loi, placés dès lors sur le même rang que les chevaliers. Les princes, les évêques, les villes sont contraints de lui restituer les régales, regalia, c'est-à-dire les duchés, marquisats, comtés, consulats, monnayages, payages, impositions, droits de port, de route, de moulin, de pêche, de pont, etc. Puis, il en investit de nouveau ceux qui peuvent produire des titres légitimes. Dorénavant dans les villes, les podestats, consuls et autres magistrats seront créés par le roi avec l'assentiment du peuple. Le podestat était un élément nouveau que Frédéric voulait introduire dans la constitution des villes. Dans le tableau qu'il trace de leur organisation, Otto de Freisingen note qu'elle déteste le podestat parce qu'elle voit en lui un intrus. Représentant de l'empereur, que celui-ci le nomme ou qu'il le confirme, le podestat, en effet, devient le magistrat suprême de la ville. Il détourne à son profit la plus grande partie des attributions qu'exerçaient les consuls. Pour qu'ils dépendent moins des passions et des factions locales, il est presque toujours étranger à la ville et reste peu de temps en charge. Brunetto Latini, au siècle suivant, alors que l'institution s'était consolidée, a énuméré dans son trésor les qualités nécessaires à un podestat. Portés à exagérer leur pouvoir, les podestats, selon l'expression d'un historien moderne, furent la transition naturelle du régime consulaire au régime du principal. Aussitôt après la diète, le chancelier Reynald de Dassel et le comte Otto de Wittelsbach parcoururent les villes, établissant des podestats. À Milan, ils sont accueillis par une émeute. L'empereur furieux se tourne contre Milan. Alors commence en avril 1159 la résistance héroïque de la grande cité lombarde. Elle se prolonge jusqu'en février 1162. Quand la famine les contraignit à céder, les consuls, les chevaliers, le peuple, pendant 3 jours, vinrent se prosterner suppliant devant Frédéric. Enfin, parut le palladium de la cité, le char, carrossio, autour duquel combattaient les Milanais et que surmontait une croix avec l'image de Saint-Ambroise. Au son des trompettes qui sonnait comme les funérailles de l'orgueil mourant de la cité, dit un témoin oculaire, le notaire Burchard, le Caracciau s'inclina en face de l'empereur, tandis que les Milanais se jetaient à terre, pleurant et criant miséricorde. Tous les assistants étaient émus, mais la face de l'empereur ne changea pas. Par trois fois, le comte de Blandrade parle en faveur des vaincus, mais l'empereur endurcit son visage comme une pierre. Ils durent se rendre à Mercy et attendre les conditions du vainqueur. Frédéric leur accorda la vie, mais il retenait comme otages les consuls et anciens consuls, les chevaliers, les notables, les légistes, les juges. Les remparts, les fossés, les tours de Milan seraient détruits. Il fut défendu aux citoyens d'y habiter. Alexandre III. Milan succombait, mais la lutte ne faisait que commencer. À côté de l'Italie municipale, faisant cause commune avec elle, la papauté se dressait contre l'empereur. Déjà, en 1159, après les fêtes de Pâques, quatre cardinaux étaient venus trouver Frédéric près de Bologne. Le pape demandait que l'empereur ne levât plus de redevances sur les domaines apostoliques, sauf à l'époque du couronnement. Que les évêques d'Italie ne fussent plus astreints qu'à la fidélité envers l'empereur, non à l'hommage, c'est-à-dire considérés comme sujets, non comme vassaux. Que les domaines de la comtesse Mathilde, dont Frédéric venait d'investir le duc Belve, lui fussent rendus. Enfin, il revendiquait la pleine souveraineté à Rome. On ne pouvait s'entendre. Adrien IV resserre son alliance avec le roi de Sicile. Il négocie avec l'empereur grec. Il s'entend avec Milan, Brescia, Plaisance, Crème, qui s'engage à ne point traiter avec Frédéric sans son autorisation. Ainsi, dès la fin de son pontificat, se forme en Italie une vaste coalition. À sa mort, la majorité des cardinaux élisent le cardinal Roland Bandinelli, celui-là même qui avait tenu à Besançon, en 1157, un si fier langage. À ce nouveau pape, Alexandre III, les partisans de l'Empire opposent sur le champ Victor IV, septembre 1159. Pour trancher le débat, Frédéric réunit un concile à Pavie, février 1160. Lorsqu'il l'ouvre, il fait remarquer aux évêques qu'il avait le droit de le convoquer, qu'ainsi ont agi Constantin, Théodose, Justinien, Charlemagne, Otho. Mais d'autre part, Alexandre III le lui conteste et refuse de s'y rendre. « Personne, déclare-t-il, ne doit me juger, puisque moi-même, je dois juger tous les hommes. » Tandis que cette assemblée, qui délibère à côté de l'empereur, se prononce pour Victor IV, les rois de France, d'Angleterre, les rois chrétiens d'Espagne, au synode de Toulouse, octobre 1160, reconnaissent Alexandre III. Tout le monde chrétien, sauf l'Allemagne, suit cet exemple. Même l'empereur grec négociait avec lui. Plus tard, en 1167, il lui offrit, mais sans succès, de soumettre l'Église grecque à la papauté, si Alexandre III voulait lui donner la couronne de Frédéric et unir ainsi les deux empires. Contraint par les menées de Frédéric à quitter Rome à la fin de 1161, Alexandre se réfugie en France. Ainsi, quand Frédéric regagne l'Allemagne en 1162, après plus de 4 ans passés en grande partie en Italie, ses victoires, ses répressions cruelles n'ont amené aucun résultat durable. Les villes rebelles ont été écrasées, mais elles sont exaspérées, avides de vengeance. les exactions des fonctionnaires allemands achèvent de les exciter à la révolte. Le pape est fugitif, mais il est le pape. C'est en vain qu'après Victor IV, les Allemands lui opposent Pascal III. En vain que le chancelier Reinhard de Dassel, dans une lettre à Louis VII, affirme « Le droit qu'a l'empereur de décider un différend ecclésiastique, né dans sa ville de Rome ». En novembre 1165, Alexandre III rentre à Rome, dépose l'empereur, délie ses sujets du serment de fidélité. « La sentence a déjà eu son effet », écrit Jean de Salisbury. « Porté en vertu du privilège de Pierre, le Seigneur lui-même semble l'avoir confirmé. » Les Italiens, l'ayant apprise, se sont séparés de l'empereur. Ils ont réédifié Milan, expulsé les évêques schismatiques, rappelé les évêques catholiques, adhéré unanimement au Saint-Siège. En Allemagne même, ce n'est qu'à contre-cœur que bien des évêques jurent d'obéir à l'antipape. La Ligue lombarde. En octobre 1166, Frédéric redescend donc en Italie pour confirmer son pape Pascal, dit Rangevin, et pour punir la perfidie des Milanais. Dès le mois de janvier, il marche sur Rome. Il y pénètre après 8 jours de siège et d'assaut. Pascal de Couronne, lui et sa femme Béatrice, dans la basilique de Saint-Pierre, 1er août 1167. Tandis qu'Alexandre, sous des habits de pèlerin, s'enfuit à Gaète et de là à Bénévent. Tout à coup, une terrible épidémie éclate. Des cimes, l'armée force l'empereur à la retraite. Pendant ce temps, l'Italie du Nord se soulève derrière lui. En face des prétentions de l'empereur, de son impitoyable despotisme, de l'avidité et des violences de ses fonctionnaires, les villes oublient leurs anciennes divisions. Celles qui avaient adhéré à la cause impériale s'en détachent. Au mois de mars 1167, plusieurs d'entre elles s'allient, d'autres s'y joignent ensuite, et au mois de décembre, se constitue la fameuse Ligue lombarde. Milan, Crémone, Bergame, Brescia, Mantoue, Ferrare, Vérone, Vicence, Padoue, Lodi, Plaisance, Parme, Modène, Bologne, Venise elle-même en font partie. Les confédérés s'engagent à céder réciproquement, contre quiconque voudra leur faire tort ou guerre, contre quiconque voudra exiger plus d'eux qu'on ne le faisait depuis le temps du roi Henri V jusqu'à l'avènement de l'empereur Frédéric. Ce fut à grand-peine que l'empereur put regagner l'Allemagne avec les débris de son armée. À Suse, il faillit être assassiné. La Ligue lombarde triomphe, se fortifie par de nouvelles adhésions. Le pape la bénit. « Il n'est point douteux, dit-il, au début d'une bulle, que c'est par l'effet d'une inspiration divine, en vue de défendre la liberté de l'Église de Dieu et la vôtre contre Frédéric, qu'on appelle empereur, que vous avez conclu ce pacte de paix et de concorde et que vous vous êtes unis de façon à secouer visiblement le joug de la servitude. Il menace de l'excommunication ceux qui désobéiraient au recteur de la Ligue, placé à la tête de la Confédération et choisi parmi les consuls des villes. Il semble qu'en haine de l'Allemagne, l'Italie prenne conscience de sa nationalité. Près de Versailles, la Ligue fonde une cité nouvelle, solidement fortifiée, la munie de tout ce qui est nécessaire pour un long siège et du nom du pape l'appelle Alexandrie. Après 6 ans passés en Allemagne, en 1174, Frédéric entreprend sa 5e expédition en Italie. Tandis que l'archevêque de Mayence, Christian, tient en respect la Toscane et l'Ombrie, mais échoue au siège d'Ancône, Frédéric bloque la ville, qui est devenue comme l'image vivante de l'indépendance lombarde. Les troupes de la Ligue marchent au secours d'Alexandrie. Cependant, au moment d'en venir aux mains, des négociations s'engagent à Montebello. Le pape est appelé à y prendre part, mais elles échouent. 1175. Les assiégés se défendent vaillamment. L'hiver arrive. L'empereur est obligé de se retirer à Pavie. De là, par de fréquents messages, il adjure les princes allemands de lui amener des renforts au printemps. On verra plus loin comment, à l'entrevue de Chiavenna, le plus puissant des princes allemands, le chef de la maison des Welfs, Henri le Lion, lui refusa son concours. En mai 1176, les confédérés viennent eux-mêmes attaquer l'armée impériale. Une terrible bataille s'engage à Legnano. Ils sont vainqueurs. Traité de Venise et de Constance. Dès lors, il ne restait plus qu'à négocier. Frédéric se tourna d'abord vers le pape. Il se résignait à le reconnaître, mais il aurait voulu le détacher des Lombards. Alexandre III refusa de trahir ses alliés, soit les villes, soit le roi de Sicile. À la fin de mars 1177, accompagné de nombreux cardinaux et des ambassadeurs siciliens, il arrive à Venise. Là, il promit de nouveau aux délégués de la Ligue de ne point conclure de paix sans eux. « Pour nous, répondirent-ils, nous désirons la paix avec l'empereur, pourvu que l'honneur de l'Italie soit sauf et que notre liberté soit intacte. Ce langage atteste que l'idée d'une patrie commune s'était pour un moment emparée des âmes. Frédéric dut céder et entamer des négociations avec les coalisés. Puis le 24 juillet, relevé de l'excommunication, il entrait en grande pompe à Venise. Conduit vers Alexandre III, qui se tenait dans l'atrium de Saint-Marc, au milieu de cardinaux et d'évêques, il fut touché de l'Esprit divin, et laissant de côté la dignité impériale, il se jeta aux pieds du pape. Alexandre III le releva, les larmes aux yeux, et l'embrassa. Ainsi, par une singulière coïncidence, à un siècle de distance, année pour année, l'Empire vaincu s'humiliait de nouveau devant la papauté. Le 1er août, Frédéric déclara solennellement qu'il avait mal agi, qu'il était sorti de la voie de la justice. Mais éclairé par la miséricorde divine, il faisait la paix avec le pape, le roi de Sicile et les Lombards. Toutefois, les conditions avaient été difficiles à fixer et furent l'objet de plusieurs actes. Avec le pape, un projet de traité avait déjà été arrêté dans des négociations à Anagni, en octobre 1176. On les reprit et on aboutit à la paix de Venise, août 1177. Tous les domaines enlevés au patrimoine de Saint-Pierre devaient être restitués. Le pape et l'empereur devaient s'entraider, le pape traitant l'empereur comme un bon fils, soumis et fidèle. L'empereur traitant le pape comme un père, aimé et respecté. Frédéric signait des trêves avec les Lombards et le roi de Sicile. Les négociations pour une paix définitive devaient être poursuivies avec l'intervention de représentants du pape. La paix était aussi garantie à l'empereur de Constantinople. Enfin, des mesures étaient prises pour effacer les traces du schisme. Avec les Lombards, le traité ne fut signé qu'en juin 1183 à Constance. L'empereur concédait aux cités, lieux et personnes de la Ligue les régales et les coutumes dont ils avaient, auparavant ou maintenant, la jouissance. Dans les villes où l'évêque, par privilège impérial ou royal, avait le pouvoir de compte, les consuls, si tel était l'usage, recevrait de lui le consulat. Sinon, il le recevrait de l'empereur. Dans toutes, il serait investi par le nonce impérial. Les villes avaient le droit de se fortifier. de maintenir et de renouveler la Ligue aussi souvent qu'elle le voudrait. L'empereur se réservait le droit de connaître des appels et de percevoir les contributions militaires, Fodrum. Il était représenté en Italie par des légats généraux assistés de vicaires et de nonces. Quant au podestat, le traité n'en parle pas, mais ils ne disparaissent point évidemment, car plusieurs d'eux le signent. Seulement, les documents de cette époque montrent qu'ils sont élus par les villes. Le podestat a des pouvoirs très étendus, une juridiction entière, mais il ne peut prendre de décision sur une affaire importante sans avoir consulté le conseil élu par la cité. Les statuts municipaux nombreux qui ont été rédigés au XIIe et au XIIIe siècle, Pistoia, Modène, Ferrare, Sienne, etc., et un traité, l'Oculus Pastoralis, sur les devoirs du podestat, font connaître cette organisation. Après la victoire, la Ligue lombarde se désagrégea promptement. Entre ces cités rivales, l'union durable était impossible. On vit, comme autrefois, se former des ligues particulières, ennemies les unes des autres. Ainsi, en 1191, Crémone, Pavie, Côme, Bergame, Lodi s'allient contre Milan et l'ancienne Ligue lombarde. Henri VI les prendra sous sa protection pour profiter de ses divisions. Les villes toscanes ne s'étaient pas associées aux villes lombardes. La paix de Constance ne les concernait donc pas. Néanmoins, la lutte qui avait agité le nord de l'Italie avait été favorable à leur développement. En 1162, Frédéric avait accordé à Pise et à Luc l'élection de leurs consuls et la juridiction. L'esprit d'indépendance était né, là comme en Lombardie, et les représentants de l'empereur en faisaient l'épreuve. Vers la fin du XIIe siècle, leur situation était donc fort analogue à celle des cités du Nord. Elles bénéficiaient des mêmes avantages. Quant à Venise, sa constitution, sous le règne même de Frédéric, s'était développée par de nouvelles restrictions apportées au pouvoir des doges. En 1172, on institua un grand conseil de 480 membres, renouvelable chaque année, chargé de préparer les lois et les affaires qui devaient être présentées à l'Assemblée du peuple. Le doge eut en outre auprès de lui un petit conseil de 6 membres. Il fut ainsi emprisonné dans une constitution plus précise. On chercha à l'en consoler par des marques honorifiques. Cette révolution avait un caractère aristocratique. Le doge devait être élu non par le peuple entier, mais par 11 électeurs que désignait le Grand Conseil. Aussi le peuple se souleva-t-il, mais l'aristocratie eut gain de cause. L'institution de nouveaux conseils restreint et recruté dans ses rangs celui des préjadis, ou sénat, et celui des 40, assurèrent sa prépondérance. D'ailleurs, cette aristocratie était ouverte à tous ceux qui, par leur valeur ou leur richesse, pouvaient y entrer. Tous les citoyens pouvaient être élus membres du Grand Conseil. Ce ne sera qu'à la fin du XIIIe siècle, en 1296, que cette assemblée cessera de se recruter par l'élection et prendra le caractère d'une oligarchie héréditaire où les hommes nouveaux ne pourront plus que difficilement pénétrer. C'est ce qu'on a appelé la fermeture du Grand Conseil, Serrata del Gran Consiglio. Les institutions de Venise auront dès lors une physionomie entièrement différente de celle qu'on trouvait dans le reste de l'Italie. En résumé, le pape et les villes avaient triomphé. Toutefois, si l'on observe qu'Alexandre III, après la paix de Venise, se trouva incapable d'établir son autorité dans le centre de la péninsule, il devient évident que Frédéric fut plus fort en Italie après qu'avant sa défaite. La paix, en séparant ses adversaires, lui assura des résultats qu'il n'avait pu obtenir par la guerre. Fin de la section 13, enregistrée par Margot.